Ouais. Tout le monde connaît un Rémi, même le soir de Noël, il traîne seul dehors la nuit, il a besoin de personne. Dis-moi, tu veux qu'il connaisse qui, il s'amuse de sa solitude, il est bien seul dans son esprit. Pour lui c'est gênant, vu que certains le pensent méchant, les gens l'observent et il le sent, vu qu'il observe les gens. Si t'as besoin de lui, Rémi sera là pour toi. Ouais. Tout le monde connaît un Rémi, même le soir de Noël, il traîne seul dehors la nuit, il a besoin de personne. Dis-moi, tu veux qu'il connaisse qui, il s'amuse de sa solitude, il est bien seul dans son esprit. Pour lui c'est gênant, vu que certains le pensent méchant. Les gens l'observent et il le sent, vu qu'il observe les gens. Il est déter, s'il y a du pif, il se l'accapare. Les jaloux disent que c'est un incapable, mais c'est un mec à part. Si t'as besoin de lui, Rémi sera là pour toi. Il se déplacera sans même te demander pourquoi. La ville est grande et quand t'es petit, tu peux t'y perdre. Et comme il dit toujours, les grandes montagnes sont faites de petites pierres. Il attend sa chance, persuadé qu'il a sa place. Il a rien mais il est débrouillard, certains n'ont pas sa classe. Rémi n'a pas eu d'enfance, famille d'accueil ou foyer. Il a traversé du chemin, respectez-le si vous le voyez. Tout le monde connaît un Rémi, même le soir de Noël, il traîne seul dehors la nuit, il a besoin de personne. Dis-moi, tu veux qu'il connaisse qui, il s'amuse de sa solitude, il est bien seul dans son esprit. Pour lui c'est gênant, vu que certains le pensent méchant. Les gens l'observent et il le sent, vu qu'il observe les gens. Si t'as besoin de lui, Rémi sera là pour toi. Il s'accroche à la vie, il la tient fort de ses deux mains. Il espère juste pouvoir apercevoir le soleil de demain. Il a de la rage en lui, il aimerait te montrer sa bonté. Mais à chaque fois qu'il a eu des projets, les gens l'ont saboté. Il est comme une éponge, il absorbe les émotions. Il est bien dans sa bulle, ouais, il est bien dans le son. Il aspire à réussir, à devenir un homme. Des fois la vie le fait grandir, des fois la vie le cogne. Il s'endort sur le banc d'un parc de façon dark. Rémi a beaucoup plus d'une corde à son arc. Et quand il se permet de rêver 30 secondes, il se dit qu'il a le potentiel pour faire partie des grands de ce monde. Mais pour l'instant il dort à la belle étoile, il a pas de toit. Il se réveille en pleine nuit quand la pluie le nettoie. Mais ça se voit pas, il est propre, il est vaillant et discret. Mais tu le ressens vu qu'il vit dans son monde, qu'il est tout le temps distrait. Tout le monde connaît un Rémi, même le soir de Noël, il traîne seul dehors la nuit, il a besoin de personne. Dis-moi, tu veux qu'il connaisse qui, il s'amuse de sa solitude, il est bien seul dans son esprit. Pour lui c'est gênant, vu que certains le pensent méchant. Les gens l'observent et il le sent, vu qu'il observe les gens. Si t'as besoin de lui, Rémi sera là pour toi. Thank you.